Bonjour à tous, merci de votre présence dans ce lieu. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pendant que nous chantions. Alors, je voudrais vous inviter aujourd'hui à méditer sur un psaume bien connu, le psaume 42, qui est un psaume de la soif. Alors c'est bienvenu, n'est-ce pas, en ces temps de chaleur. Je vais le lire dans la version Nouvelle Français Courant. Et vous pourrez suivre soit sur vos Bibles, soit sur vos téléphones, qu'ensuite, évidemment, vous éteindrez, pour être attentif. Et voilà, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Du répertoire du chef de chorale, poème chanté par les fils de Corée. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi, je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Je laisse revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec une foule de personnes en fête, qui crient à Dieu leur reconnaissance et leur joie. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je m'adresse à toi, mon Dieu, depuis l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du Mont Petit, dans les montagnes de l'Hermon. Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre. Tu les fais tous déferler sur moi, je suis complètement submergé. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Me voilà, pardon, complètement brisé par leurs insultes. Quand ils me disent sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? À quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Alors, en relisant mes notes ce matin, je me suis aperçu que j'ai oublié énormément de choses dans ce psaume. Énormément. On ne se bornera que dans ce verset premier. On verra peut-être la suite dans un autre temps. Alors, je ne le savais pas, mais toutes les grandes villes de France ont ce qu'on appelle leur rue de la soif. Alors, avec un débit de boisson tous les 7 mètres, c'est Rennes, cette petite ville de Bretagne, qui arrive en première position. Et comme je le disais tout à l'heure, nous aussi, nous avons dans nos Bibles des passages qui parlent de soif, mais pas de la même soif, évidemment. Le psaume 42 fait partie de ces psaumes de la soif, de cette aspiration de toute âme humaine à trouver en Dieu la fraîcheur d'une eau vive, à boire une fois pour toutes et pour toujours. J'ai soif de Dieu, nous dit le psaume. Mais quelle est donc cette soif? Que dit cette soif de ma relation à Dieu? Et que faire quand le ruisseau de nos attentes est à sec? Comment se reconnecter à Dieu lorsque tout porte à croire que Dieu nous a posé un lapin et qu'il n'est pas venu au rendez-vous que nous lui avions fixé? Que faire quand cette absence nous arrache le cri d'une gorge desséchée. Où est mon Dieu? Voilà un peu en vrac, je l'avoue, les réflexions, les pensées qui me sont venues lorsque je réfléchissais à ce psaume. Alors, rassurez-vous, ce matin, je n'ai pas l'intention de vous livrer une prédication en kit hein, que vous devez monter vous-même. Sans la notice de montage que pour ma part, je ne lis jamais, ça serait un petit peu compliqué. Je vous propose donc d'entrer dans ce psaume 42 avec quelques éléments de contexte. Le psaume 42 fait partie de ces psaumes où l'auteur se plaint. Et quoi de plus humain, quoi de plus naturel que de se plaindre ? L'auteur se plaint de la situation qu'il traverse et il tient Dieu pour responsable de ses difficultés avec cette phrase qui résume peut-être son état d'esprit « Je me souviens des jours d'autrefois » ou pour le dire avec un langage actuel « C'était mieux avant ». Ce psaume a été écrit par les fils de Corée, nous l'avons lu. Corée, dont on se souvient la révolte. Corée, avalé tout entier, avec les siens, par la bouche de la terre, nous dit le texte, pour avoir fait mauvais usage de la sienne. Englouti, lui et sa troupe, mais pas toute sa famille, puisque nous retrouvons ses fils au service du tabernacle, puis du temple. Ils étaient là affairés à nettoyer les ustensiles du temple et du tabernacle. Ils étaient aussi des portiers et c'était aussi des chanteurs ou des chantres. Preuve s'il en est que, contrairement aux auteurs de ce psaume, Dieu n'est pas rancunier, mais il fait preuve de miséricorde en ne faisant pas retomber sur les fils les fautes de leur père. Déjà ce psaume, écrit par les portiers du temple, nous donne accès à quelque chose qui nous encourage. Il nous ouvre une première porte. C'est la porte de la grâce. Et même si ce psaume a été composé par les fils de Corée, il n'emporte pas moins la marque de l'histoire de David et particulièrement de ce moment où son fils Absalom le chasse du trône, le moment où il s'enfuit loin de la maison de Dieu, de la présence de Dieu, où il regrette cette autre fois, cet ailleurs, quand il était en communion avec Dieu, quand il pouvait se présenter devant l'Éternel, nous dit ce même psaume. C'est un David en exil, trahi par sa propre famille, victime d'un coup d'État. Un David désemparé, habitué, trop habitué, mal habitué sans doute, au secours sans faille de l'Éternel qui entoure les circonstances de ce psaume 42. Il est tellement dégoûté, ce pauvre David, tellement dégoûté qu'il n'a même plus la force de prendre sa harpe. Lui qui savait si bien, avec quelques accords, calmer la folie de Saül et adoucir son humeur, voilà le chantre de l'Éternel en manque d'inspiration, paralysé, muet, incapable d'écrire la moindre strophe, de faire vibrer ne serait-ce qu'une seule corde de sa harpe, de sortir la moindre note qui pourrait apaiser son âme pourtant si assoiffée de Dieu. Et parce qu'il sait, David, que ce dont il a besoin en ce moment, c'est de la grâce, c'est au fils de Corée, à ceux qui, dans leur histoire familiale, n'ont pas été retranchés de la grâce, c'est au portier de la grâce que David confie la composition de ce psaume pour laisser une trace, pour que son expérience serve à quelque chose, pour que les générations à venir trouvent dans les mots de ce psaume les mots de leur prière, les mots de leur soif, et en même temps qu'ils puissent trouver un puissant encouragement lorsque viendra le mauvais jour. Mon âme soupire après toi, mon âme a soif de Dieu, soif du Dieu vivant. Alors que certains pourraient avoir de multiples désirs, d'autres soifs, une soif de pouvoir, une soif de vengeance, une soif de contrôle, une soif de reconnaissance, ou la plus louable de toutes, une soif de justice. David, lui, n'a qu'un désir. Il n'a qu'une seule soif, la seule soif qui vaille la peine, la soif de Dieu. C'est cette soif, cette aspiration que seul le Dieu vivant, le Dieu de la vie, peut venir satisfaire en Jésus-Christ, pour le dire avec le langage de l'Évangile. Cette soif que David ressent, cette soif du Dieu vivant, les fils de Corée la retranscrivent sous la forme d'une comparaison qui ne vous a pas échappé. Vous pouvez la redire avec moi? Comme comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi, de la même manière, mon âme soupire après toi. Alors, je vais pas. Je sens que je vais briser un mythe et peut-être même plusieurs. Et tant pis pour ceux qui croient que les licornes existent encore, mais il pourrait bien s'agir ici. Il pourrait bien s'agir ici d'un cerf et non d'une biche. Ce qui rend le cri de cet animal plus rauque, plus désespéré qu'il n'y paraît, d'autant que la racine de ce mot suggère aussi en hébreu une notion de force et une notion de puissance. En fait, pour être tout à fait honnête, ici le mot dans l'original peut vouloir dire une biche ou un cerf, ou même un daim. Mais pas une licorne. Comme ça, tout le monde pourra retrouver un petit peu son monde. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand l'hébreu entend ce verset, ce n'est pas le brame du cerf dans la forêt de Fontainebleau qu'il entend. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est l'image de l'épuisement. C'est l'image d'une personne à bout de souffle, à bout de force, à bout de souffle, oui, au bout de sa vie qu'il entend. C'est ça qu'il entend, en fait. Mais ce qu'il entend, et surtout, c'est l'image d'un rendez-vous manqué. Faut que je m'explique. Comme tous les pays du pourtour de la Méditerranée, Israël est un pays de soif. Pas comme l'Égypte où ils devaient juste avec leurs pieds faire des rigoles et l'eau passer, mais c'est un pays tout entier qui dépend du ciel et dépend de ce qui tombe du ciel. C'est un pays où la gestion de l'eau est primordiale en fait. Et pour acheminer cette eau depuis toujours des montagnes, on creusait la roche, on aménageait des ruisseaux, on construisait des canaux où non seulement les hommes, mais aussi les animaux étaient assurés de trouver de l'eau à tout moment. En Espagne, lorsque j'étais enfant, on se baignait dans ces canaux, dans une eau toujours fraîche, toujours disponible, toujours là où on l'attendait. Comprenons bien ce qui se passe. Comme à son habitude, la biche ou le cerf, celle dont il est question, déjà tenaillé par la soif, se rend là où il sait qu'il trouvera toujours de l'eau. Il a une sorte de rendez-vous tacite avec ce point d'eau. Mais aux surprises, au drame, ce jour-là, alors qu'il en avait sans doute le plus besoin, pas une seule goutte d'eau. Il ne voit que le lit caillouteux du ruisseau, comme le dit une autre version. On comprend mieux dès lors la détresse et le cri de cet animal assoiffé, tellement dégoûté de ne pas trouver la fraîcheur de l'eau là où il avait l'habitude de la trouver, une eau d'ailleurs pour laquelle il ne se mettait jamais en peine de chercher puisqu'il savait d'avance qu'elle serait toujours là. Mais une soif tout de même, une soif accentuée cruellement, très cruellement encore, lorsque résonne une question que son désarroi lui pose, mais où est ton Dieu ? Question qui brise ses os, comme nous dit ce psaume, question qui lui arrache des larmes, comme nous l'avons lu, question aussi corrosive pour la foi que du sel sur une plaie. On raconte l'histoire d'un vieux monsieur. Ce vieux monsieur se rendait tous les jours à la synagogue pour prier. Avant de repartir, il avait l'habitude de laisser sur son banc un petit message écrit, adressé à Dieu sur un petit bout de papier. Voilà ce qu'il écrivait. « Seigneur, demain matin, à 8h pile, sur le premier banc de gauche, j'aimerais te voir, pas d'excuses. » Le lendemain et les jours suivants, il arrivait en costume. Il avait rendez-vous donc en costume, barbe bien peignée, et il attendait. 8h, personne. 8h05, rien. 8h10, toujours rien. Mais il priait. Puis il repartait en prenant bien soin de laisser ce petit bout de papier sur son banc. Le rabbin qui avait vu le ménage, qui avait vu ce ménage, ce manège, oui, ménage, manège, j'ai inversé, qui avait vu ce manège, donc il ramassait tous les jours ses papiers et il s'est dit, il ne faut pas laisser cet homme comme ça. Je ne peux pas laisser ce vieux monsieur croire qu'on peut comme ça disposer du Saint béni soit-il, c'est que Dieu a tout un monde à gérer. Le lendemain, le vieux monsieur revient, toujours en costume, barbe bien peignée, et il attend. 8h, personne. 8h05, rien. 8h10, toujours rien. Ce jour-là, il continue. 8h15, un rayon de soleil perce la fenêtre et chauffe doucement son visage. Et ce rayon de soleil éclaire le banc sur lequel il était assis, où le vieil homme remarque un petit bout de papier. En lisant ce message, qu'il croit venir du ciel, il sourit et il hoche la tête. « Je suis là, mais pas là où tu regardes. Je viens, mais rarement à l'heure que tu choisis. » Tout comme une biche ou un cerf soupire, pousse un cri de soif, quand Dieu n'est pas là où il est attendu, près des courants d'eau, là où il devrait être, là où il devrait y avoir toujours de l'eau, ainsi, de la même manière, mon âme soupire après toi, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et en lisant, en méditant sur ce psaume, je me suis interrogé moi-même, évidemment, et je me suis dit combien de fois, nous aussi, dans nos difficultés, nous fixons à Dieu un rendez-vous. Nous le faisons en réutilisant les bons vieux tuyaux du passé ou en laissant des petits bouts de papier à l'église, qui sait. Nous recyclons nos vieilles expériences, nos vieilles recettes, nos vieilles sensations. Nous réchauffons les restes de notre vie spirituelle dans la casserole du souvenir de nos délivrances passées, sans avoir pris la peine de remuer de temps en temps parce que nous les tenions pour acquises. Mais la grâce, voyez-vous, la porte de la grâce que nous ouvrent les fils de Corée, c'est que cette déception de ne pas trouver Dieu là où on l'attend, cet assèchement du ruisseau de nos attentes, cette impossibilité d'avoir un Dieu à notre service, au service de nos envies, de nos besoins les plus légitimes, tout cela, en définitive, nous donne encore plus soif de lui, encore plus soif de Dieu, soif de trouver en lui la source de toute vie. C'est avec cette soif, avec la cruche percée de ses rendez-vous manqués, de ses attentes différées, de ses questions sans réponse, d'un Dieu qu'elle croyait adorer sur sa montagne, qu'un jour, une femme de Samarie s'est approchée du Christ. Ce jour-là, laissant la cruche de sa honte et de son péché au pied du Christ, cette eau vivante que le Christ donne gratuitement, sans rien payer, sans rien attendre en retour, cette eau puisée dans l'amour inépuisable de Dieu est devenue en elle une source de salut et de joie. Alors j'ai réfléchi un petit peu sur ce qu'est avoir soif. Avoir soif. Mais quel merveilleux mécanisme de survie le Créateur a mis en place pour que nous continuions à vivre, pour nous rendre sensibles à la vie qui est en nous, pour en prendre conscience, pour en prendre soin. Sans même que nous le sachions, sans même que nous y pensions, lorsque les cellules de notre corps arrivent à un seuil critique, alors que nous sommes potentiellement en danger de confusion mentale et de délire pour les cas les plus extrêmes de déshydratation, c'est tout notre être qui envoie un signal de détresse, un message d'alerte J'ai soif. De quoi avons-nous soif? Quelles sont, frères et sœurs, nos aspirations les plus profondes? Est-ce que nous sommes en mesure, ce matin et les autres jours, d'écouter le signal que nous envoie notre âme, si souvent desséchée? D'écouter en nous cette soif de Dieu, cette soif du Dieu vivant, cette soif de plus de Dieu, de plus de vie en nous. Est-ce que quelqu'un a soif ce matin? Moi, certainement, parce que je parle, donc j'ai soif. Mais est-ce que quelqu'un a soif ce matin? Alors, la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est qu'il reste encore de l'eau. Il reste encore de l'eau. Il y a encore beaucoup d'eau à disposition. Et même si les eaux de Siloé coulent doucement, comme le dit un autre psaume, même si le plus souvent, ce que je ressens tient plus du goutte à goutte que des eaux puissantes d'un fleuve de vie, je sais. Je sais comme vous que le ruisseau de l'Éternel, le ruisseau de la grâce et de l'amour du Christ est toujours plein d'eau. Et pour conclure, j'aimerais juste faire résonner dans ce lieu, et peut-être dans ton cœur, l'une des plus belles invitations du Christ, des paroles que le Christ a prononcées un jour de fête. Et ma prière, c'est qu'aujourd'hui, ce soit aussi pour toi un jour de fête. Le dernier jour de la fête, le plus solennel, le plus important, Jésus, debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, dit l'Écriture, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Amen.